Épilogue. Anne. La victoire de la mémoire. En 2018, à Rufisque, une rue fut renommée. Rue Anta Madjigen NDA. Djolof a retrouvé sa fille. La mémoire a vaincu l'oubli. Dieu rédieuve d'avoir écouté cette histoire. La mémoire du Djolof ne meurt jamais.